I think that you're just the sweetest little girl I ever met. Really? No kidding. And you're the type of a boy to teach me how to pet. Now you're kidding. No, I'm not. That I'm in love, there's not a doubt, dear. Yes? When can I call to take you out, dear? Let's see, just call around beneath my window and let me hear you boo. When you hear you boo-boo. Yoo-hoo, I'll be there waiting for you. Yoo-hoo, we'll have some loving to do. You do. Under the moon. Under the moon. Then why don't you make a date? I'll call tonight, dear, at 8. That'll be great. You'll find me right at the gate. Under the moon. Close to my heart, I'll hold you in my embrace. Oh, honey, never to part like birds in June. When I call you, yoo-hoo, you'll know I'm waiting for you. And oh, what loving we'll do under the moon. Écoutez la radio des éditions de l'avenir. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiadreau, les éditions de l'avenir présentent La culotte à Baptiste. J'ai le bonheur de posséder, dans la personne d'un brave habitant de la Renouche, Baptiste Latrémouille, un ami sincère et dévoué, qui me compte toujours des peurs chaque fois que je le rencontre en ville. Je vous le présente sans cérémonie. La dernière anecdote qu'il m'en narrée est vraiment renversante et je vous la donne telle quelle en laissant à Baptiste la responsabilité de son récit. Baptiste, quand il m'a raconté cette histoire, l'a mise sur le dos d'un de ses voisins, mais je suis persuadé qu'il ne disait pas la vérité sous ce rapport. C'est la raison pour laquelle je le mets en cause lui-même. Comme tous les habitants du Canada, il est rusé, ce qui ne l'empêche pas de se faire pincer de temps à autre. S'il m'a induit en erreur, tant pis pour lui, je le considère toutefois comme le véritable gaillard qui a été la victime de cette aventure. Un lundi de juin l'an dernier, Baptiste avait décidé de venir à Montréal pour affaires, mais il y avait une grave difficulté à surmonter. Le fessier de sa culotte était percé à jour et il ne pouvait décemment entreprendre ce voyage dans ces conditions. Il s'adressa à sa femme et lui demanda de faire ce raccommodage impératif. « J'ai pas d'aiguille. M'en chercher une au village. » Pour tout avoir, Baptiste n'avait qu'un billet de 5 piastres qu'il conservait précieusement pour ses dépenses de voyage. « Donne-moi des copes. »« J'en ai pas, mais prends un œuf et tu changeras pour une aiguille. » Baptiste prit un œuf dans l'armoire et se rendit au village, droit au magasin général, chez Joe la débauche. Dis donc, Joe, la forme de ma culotte est percée à jour et ma femme n'a pas d'aiguille pour la recommoder. Veux-tu m'en changer une pour un neuf? Ah, mais oui, mon vieux Baptiste, avec plaisir! Joe prit l'œuf et le déposa sur une tablette. Baptiste s'était accoudé sur le comptoir et semblait ruminer quelque chose. Tout à coup, dis donc, Joe, quand tu fais du commerce, des bargains, t'as pas l'habitude de payer à traite? Eh oui. Qu'est-ce que tu vas prendre? Donne-moi un verre de brandy et un œuf. Joe la débauche, qui trouvait ça drôle, s'empressa d'acquiescer à sa demande. Tiens, voici le verre de brandy, et je te casse ton œuf dedans. Ça fait un gobe de première classe. Dans l'intervalle, Baptiste avait planté son aiguille dans le revers de son capot. Écoute donc! « Veux-tu du lait dans ton verre? »« Non, merci. Ben, t'es pas pour me bluffer. Donne-moi une autre aiguille parce qu'il y avait deux jaunes dans ce œuf-là. Amène-toi tout de suite. » Baptiste revint à la maison avec ses deux aiguilles et sa femme lui raccommoda son fond de culotte en bourraquant. Cette culotte était à la bavaroise. Le lendemain, Baptiste partait pour la ville et logeait dans un hôtel du carré Chaboyer où deux escaliers à la suite l'un de l'autre donnaient accès au deuxième étage. Au moment de se mettre au lit, Baptiste ôta sa culotte et la jeta négligemment sur une chaise. Vers 3 heures du matin, un incendie se déclara dans les environs et Baptiste fut réveillé en sursaut par le vacarme d'enfer causé par l'arrivée des pompiers. En effet, les pompes à vapeur, les échelles de sauvetage, les wagons, les dévidoirs, les voitures d'ambulance, enfin, tout le tremblement était là. Baptiste, tout abasourdi, s'élança hors du lit et se jeta dans sa culotte, mais, par malheur, elle se trouvait sans devant derrière, de telle sorte que toute la devanture bombait. Dans sa précipitation, en arrivant à la tête de l'escalier supérieur, il manqua la première marche et descendit tête bêche les deux escaliers jusque sur le trottoir. On s'empressa de le relever et comme on lui demandait s'il s'était fait mal, il répondit « C'est pas ce que je me suis fait mal, là. Mais en me regardant comme il faut, je m'aperçois que je suis détort en bedeau. » About the bumblebee who gave a cocktail party for his family, and when he got as high as he could be, he invaded a nudist colony. Buzz, buzz, buzz, oh my, oh me. Buzz, buzz, buzz, oh golly gee. Buzz, buzz, buzz, oh what a spree when the bumblebee invaded the nudist colony. Now Sister Jenny, wearing just her birthday suit, was strutting around the colony acting like she was cute. She plainly thought she was just about it until that bumblebee stung her on a big fat buzz, buzz, buzz, oh my, oh me. Buzz, buzz, buzz, oh golly gee. Buzz, buzz, buzz, it was an awful spree when the bumblebee invaded the nudist colony. Mama Daisy, acting like a baby girl, naked is the first day she came in the world. She was walking around acting like a nut until that bumblebee stung her on a big fat buzz, buzz, buzz, oh my, oh me. Buzz, buzz, buzz, oh golly gee. Buzz, buzz, buzz, it was an awful spree when the bumblebee invaded the nudist colony. Now Big Fat Bill was naked as he could be. He was happy to be living in the colony. Old Bill got tired and laid down in the grass. Then the bee came along and stung him on his big fat buzz, buzz, buzz. Oh my, oh me, buzz, buzz, buzz. Oh golly gee, buzz, buzz, buzz. It was an awful spree. Oh, when the bumblebee faded the nudist colony. Vous écoutez la radio des éditions de l'avenir. Les éditions de l'avenir présentent Château de sable, un texte de Mario Fecto, publié à l'origine dans Tantôt numéro 43, en novembre 1996. Lu par Ezoy et Christian Martin, avec la participation de K00 et Sylvie M. Tout le monde a déjà vu le soleil ou, du moins, en a entendu parler. Jules Verne. Caroline regarda son château. Comme d'habitude, elle l'avait construit sur l'estran. La marée montait. La mer reprenait peu à peu possession du terrain qu'elle avait laissé à découvert quelques heures plus tôt. Bientôt, les vagues viendraient lécher la base du château. Les tours que Caroline avait érigées avec patience et minutie s'effondreraient une à une, et la fragile construction redeviendrait une masse de sable informe. Bientôt, la mer aurait effacé toute trace de la présence de Caroline sur la plage, comme la maladie avait effacé sa vie. Une fine pluie, souvent rien de plus qu'une bruine légère, était tombée pendant une bonne partie de l'avant-midi. Elle avait cessé juste après le repas, mais le ciel avait gardé un aspect menaçant. Caroline avait enfilé son ciré, puis était sortie pour construire un château. Depuis, les nuages avaient commencé à se déchirer, laissant paraître un peu de ciel bleu. Caroline savait ce que cela signifiait. Demain, sous un soleil ardent, la plage se couvrirait de vacanciers. Des cris de joie et des rires retentiraient partout. Des dizaines de gens viendraient parfaire leur bronzage. Ses amis d'autrefois seraient peut-être du nombre. Caroline ne les avait plus revus depuis sa crise. De toute façon, elle ne voulait plus lui parler. Elle dirait rire et s'amuser, sans même se douter de la présence de leur ancienne copine, habitant à moins de 100 mètres du rivage. Caroline n'irait pas les rejoindre. Elle resterait chez elle, sans même ouvrir un rideau, sans même tenter de les apercevoir par sa fenêtre. Même si les fenêtres de son appartement donnaient toutes sur le nord, un rayon de soleil pouvait accrocher une toiture ou un véhicule, et entrer dans son logement. Elle ne voulait courir aucun risque. Je n'y crois pas beaucoup, docteur, mais je veux bien essayer. Je ne crois pas que mettre mes souvenirs par écrit pourrait m'aider. Vous affirmez que je ne parviens pas à m'en sortir parce que je ne le souhaite pas. Vous affirmez, croyant que votre diplôme vous donne toutes les réponses, que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Détrompez-vous. Je sais parfaitement pourquoi je n'ai plus d'amis. J'étais encore sous le choc de la nouvelle quand, le lendemain, mon amie Viviane m'a téléphoné. Elle m'a proposé un après-midi sur la plage avec pique-nique et feu de camp en soirée. J'ai accepté, dans l'espoir de me changer les idées. Ce n'est qu'une fois hors de la maison que j'ai réalisé mon erreur. J'étais tout en sueur, bien que le temps fût sec. Je ne me suis sentie mieux qu'une fois sous le parasol, où le soleil ne pouvait m'atteindre directement. « Tiens, voilà Caro et la vieille !» a lancé Sandy. Dans le groupe, nous avions surnommé Viviane « la vieille », même si elle et moi avions pratiquement le même âge. En réalité, Viviane possédait une terrible tare aux yeux de la bande. Elle était née en décembre 1999, ce qui faisait d'elle la seule d'entre nous dont l'année de naissance commençait par 19. En fait, je n'ai que 3 mois de moins qu'elle. Je tentais de me raisonner en me répétant que ma peur était ridicule. Il était de toute façon trop tard pour moi, et un après-midi de plus au soleil ne changerait rien. Il n'empêche que je me suis mise à ressentir sa chaleur comme une menace. Viviane fut la première à remarquer mon malaise. « Tu sembles nerveuse, Caro. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, on dirait. »« C'est vrai ?» a repris Sandy. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sincèrement, je pense que je serais parvenue à contenir l'angoisse que je sentais croître en moi si j'avais pu rester à l'ombre du parasol. Sauf que Sandy m'a tirée par le bras pour m'entraîner vers la mer, en plein soleil. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé alors. Je me suis réveillée à l'hôpital. Viviane est venue me voir une fois et n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit que je ne me souvenais de rien. Finalement, elle m'a tout raconté en détail, d'une voix pleine d'amertume. Apparemment, j'ai complètement perdu la tête et me suis mise à hurler et à me débattre. Il a fallu l'intervention de 3 garçons du groupe pour me neutraliser. Dans mon délire, j'avais eu le temps de casser le nez du petit ami de Viviane et un bras à Sandy. Cette dernière s'est alors jurée de ne jamais plus m'adresser la parole. À ses yeux, j'étais une démente. Le groupe l'a suivie. Une première vaguelette toucha timidement la base de son château, sans effet. Presque aussitôt, une deuxième frappa avec plus de force, toujours sans résultat, puis une troisième, plus puissante encore, arracha finalement une couche de sable à la surface d'un mur d'enceinte. Caroline regarda la plaque de sable se défaire et sourit. Avec une mer aussi calme, le château mourrait lentement. Caroline aimait regarder ses châteaux s'effondrer dans la mer. Elle les construisait avec amour, s'attardant longuement sur une foule de petits détails. Elle regardait ensuite l'Atlantique lui reprendre le sable qu'elle lui avait emprunté. Caroline avait un peu l'impression que la mer lui parlait et, d'une certaine manière, dans son langage particulier, c'était le cas. Il s'était établi une sorte de respect mutuel entre l'océan et elle. C'était la fragilité de ses constructions qui lui plaisait. Caroline trouvait rassurant l'existence de quelque chose de plus fragile que la santé humaine, que la vie. Ce château naissait entre ses mains, puis mourait en quelques heures. Elle voyait en eux les éphémères du règne minéral. Comme ces insectes, ils ne vivaient que quelques heures. Parfois, une vague un peu plus grosse frappait le château, apparemment sans effet. Puis, une simple ride suivait, heurtant à son tour l'édifice, et un mur entier ou une tour s'écroulait. Caroline était fascinée. Étrange qu'un petit choc produise un tel résultat, alors qu'un impact plus puissant semblait sans conséquence. C'était un peu comme pour la vie, au fond. Le mur d'enceinte s'effondra, suivi d'une première tour. J'ai vu les châteaux pour la première fois pendant l'été de mes 6 ans. Mes parents avaient préféré m'emmener en vacances plutôt que de me confier à une gardienne. Ils ne le firent plus par la suite. Cela m'a évité de finir comme eux 3 ans plus tard dans les eaux d'un lac. Peut-être était-ce le fol espoir de retrouver ma sérénité d'enfant qui explique mon désir récurrent de retourner aux îles. J'avais 16 ans lorsque j'ai obtenu un emploi d'été aux îles de la Madeleine. Malheureusement, je n'ai pu assister au concours de château de sable cet été-là. J'y suis retournée en touriste pour célébrer mes 18 ans et mon indépendance toute neuve. Plutôt que l'avion, comme 2 ans plus tôt, j'avais choisi le même trajet que mes parents, si bien qu'il m'a fallu 2 jours pour m'y rendre. J'ai ainsi pu mettre des noms sur les paysages qui peuplaient mes souvenirs. Je me rappelais peu mon premier voyage. Il y avait un très long pont et aussi un bateau. Pendant la traversée, j'avais sans doute dormi ou joué avec d'autres enfants. Je ne saurais le dire. Seul le souvenir des châteaux était resté bien vivant dans mon esprit. L'idée que j'allais enfin les revoir me remplissait d'allégresse, mais aussi d'une légère crainte. Mes souvenirs d'enfant avait peut-être embelli les choses. Peut-être trouverais-je les châteaux bien ordinaires. J'espérais seulement ne pas connaître une déception trop vive. Pour mes 18 ans, au contraire, j'ai savouré chaque instant du voyage. On ne voit pratiquement pas la mer avant le pont de la Confédération, reliant l'île du Prince-Édouard et le continent. Puis c'est le traversier, et pendant des heures, le trajet naval n'offre que la mer en pâture aux regards affamés. Enfin, c'est l'arrivée aux îles qui présente à elle seule un cachet particulier. Lorsque les principales îles apparaissent, on a d'abord l'impression que la première vague un peu forte va les submerger. Enfin, le bateau se faufile entre l'île d'entrée et Havre-Aubert. Les îles couvrent alors l'horizon, brisant leur illusion de fragilité. Au concours sur la plage de Havre-Aubert, je me suis rendu compte que mes souvenirs n'avaient pas été bonifiés par les ans. C'était vraiment extraordinaire. On était loin, vraiment loin, du sempiternel pâté rond formé avec un seau de plastique. J'y suis retournée les 3 années suivantes, sans que mon intérêt pour les châteaux ne retombe. Je me suis même mise à en construire moi-même. Vous avez peut-être raison, docteur. Du moins en partie. Décrire tout cela me fait du bien. Beaucoup de bien. Même si je n'apprends rien que je ne savais déjà. Et en ce qui concerne le soleil, il est malgré tout trop tard. Les tours tombaient les unes après les autres. Il ne restait plus grand-chose du château. La moitié de l'édifice était maintenant écroulée et le reste ne tarderait pas à suivre. D'ailleurs, l'ensemble penchait maintenant vers le large, sapé à sa base par la montée inexorable de l'eau. Par son inclinaison et sa décoration, le donjon donnait l'impression d'une tour de Pise miniature. Une tache lumineuse apparut sur la plage, non loin de Caroline. Il y avait là un petit ruisseau qui s'était creusé une vallée dans la dune pour rejoindre la mer. C'était le soleil, Caroline le savait, qui venait de percer les nuages. Elle se sentit nerveuse un moment, puis se détendit. Bien abritée par la dune, elle était sûre de rester à l'ombre. Maintenant, Caroline surveillait son château, sans se soucier davantage de la zone éclairée qui s'étirait de plus en plus, s'éloignant de sa position. La lumière du soleil fit briller le sable humide. Tout au plus, remarqua-t-elle que la zone éclairée prenait une teinte rougeâtre, tandis que le soleil descendait sur l'horizon. Elle ne s'inquiétait pas. Le soleil serait complètement couché avant que la mer n'ait eu raison de son château. Munie de sa lampe de poche, elle pourrait rentrer sans craindre la nuit. D'ailleurs, en cette période de l'année, les crépuscules se prolongeaient un bon moment. Elle reporta son attention sur le château. La dernière tour s'effondra. Lorsque je suis sortie de derrière le paravent, j'ai aussitôt remarqué l'air soucieux de mon médecin, ce qui m'a fait supposer qu'il n'avait pas de bonnes nouvelles à m'annoncer. Toutefois, je ne soupçonnais absolument pas l'ampleur de la nouvelle. Mon médecin m'a décroché un sourire professionnel, sans chaleur, avant de m'inviter à m'asseoir. Nerveuse, j'ai obéi. Il m'a expliqué qu'il avait fait chaque test à 2 reprises, afin de s'assurer de l'exactitude de son diagnostic. Il m'a interrogé de nouveau sur le nombre d'heures que je passais au soleil, m'a questionné encore une fois sur mes habitudes alimentaires et sur les tenues vestimentaires que je portais lorsque je me trouvais à l'extérieur. Il m'a alors annoncé la terrible nouvelle. Cancer de la peau. J'ai commencé par rire nerveusement, refusant d'assimiler la nouvelle. Puis je lui ai affirmé qu'il avait commis une grossière erreur, que je n'avais pas pris tant de soleil que cela, du moins, certainement pas assez pour attraper un cancer de la peau. Enfin, j'ai fondu en larmes. Je savais que le cancer de la peau est responsable de 30% de tous les décès de ce début de siècle. Le médecin m'a laissé pleurer tout mon soûl, Il avait sûrement l'habitude de ce genre de réaction. Il m'a ensuite parlé avec douceur, me révélant l'existence d'un nouveau traitement expérimental qui avait donné quelques résultats en laboratoire. Il ne me cacha pas les risques d'effets secondaires. Bien qu'encore abasourdi par le choc, je l'ai écouté attentivement, très attentivement. Il m'a demandé si je voulais réfléchir à la possibilité d'essayer le traitement. Presque en riant, je lui ai répondu que je n'avais pas vraiment le choix si je voulais une chance de vivre. J'ignorais si je parviendrais à m'en sortir, mais je le voulais. À partir de cet instant, j'ai su que, pour moi, le soleil n'aurait jamais plus d'attrait. Jusqu'à la fin de mes jours, j'allais vivre dans l'ombre. La zone rougeâtre s'étirait de plus en plus sur la grève, mais pâlissait. La moitié de l'astre du jour devait maintenant se trouver sous l'horizon. Avec le temps, Caroline avait appris à deviner la position du soleil uniquement par l'intensité de l'éclairage indirect. Elle connaissait également avec précision l'heure du lever et du coucher de son ennemi. Caroline habitait seule, dans un appartement qu'elle avait choisi avec soin, dont les fenêtres donnaient toutes sur le nord. Personne ne venait la voir, ni même ne lui téléphonait. Elle ne recevait aucun courrier, hormis des prospectus et des factures. Le traitement lui avait rendu la santé, sans plus. Rien ne pouvait lui rendre sa vie d'avant. Une vague couvrit entièrement la masse de sable qui, plus tôt, avait été un château. Les dernières ciselures que Caroline avait finement sculptées avaient disparu depuis un moment déjà. De l'édifice qu'elle avait patiemment érigé, il ne restait pratiquement plus rien. La mer avait effacé toute trace de la présence de Caroline sur la plage, comme la maladie avait effacé sa vie. Oh, certes, le traitement expérimental que lui avait conseillé son médecin avait vaincu son cancer. Les médicaments n'avaient eu qu'un seul effet secondaire sur elle. D'ébène, ses cheveux étaient maintenant décolorés, blancs, malgré ses 22 ans. Elle aurait pu l'éteindre, mais à quoi bon? Le soleil avait maintenant complètement disparu. Caroline se leva et quitta la plage, marchant vers le crépuscule. All my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone and doing the best I can. I ship my trunk down to Tennessee. I ship my trunk down to Tennessee. Hard to tell about a man like me. I met a gal, I couldn't get her off my mind. I met a gal, I couldn't get her off my mind. She passed me up there, she didn't like my kind. I'm scared to bother around her house at night. I'm scared to bother around her house at night. Got a poorly dog craving for a fight. His name is Rambler when he gets a chance. His name is Rambling when he gets a chance. He leaves his mark on everybody's pants. Guess I'll travel, guess I'll let her be. I guess I'll travel now, guess I'll let her be. Before she sticks a police dog on me. Vous écoutez la radio des Éditions de l'Avenir. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 1er, où l'on commence à ne pas comprendre. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Celui-ci, jusqu'à ce jour, s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de ne publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces 15 dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la Chambre jaune, génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames, et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé, si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Rouletabille eût voulu savoir, me disait-il, oubliée pour toujours. La Chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre il y a une quinzaine d'années? On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Neve et la tragique histoire de la mort du petit Ménaldo? Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats qu'une crise ministérielle qui éclata sur ces entrefaites passa complètement inaperçue. Or, le procès de la Chambre jaune, qui précéda l'affaire de Neve de quelques années, eut plus de retentissement encore. Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur, le plus obscur à ma connaissance qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun la chercha. Ce fut comme un dramatique rébus sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il m'est permis de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle, c'est qu'en vérité, je ne sache pas que, dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat rue Morgue, même dans les inventions des sous-Edgar Poe et des truculents Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la Chambre jaune. Ce que personne ne put découvrir, le jeune Joseph Rouletabille, âgé de 18 ans, alors petit reporter dans un grand journal, le trouva. Mais lorsqu'en cour d'assises, il apporta la clé de toute l'affaire, il ne dit pas toute la vérité. Il n'en laissa apparaître que ce qu'il fallait pour expliquer l'inexplicable et pour faire acquitter un innocent. Les raisons qu'il avait de se taire ont disparu aujourd'hui. Bien mieux, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir. Et, sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le problème de la chambre jaune tel qu'il fut aux yeux du monde entier au lendemain du drame du château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire, on a tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson, qui reposait dans une chambre attenante à ce laboratoire. Les médecins ne répondent pas de la vie de Mademoiselle Stangerson. Vous imaginez l'émotion qui s'empara de Paris. Déjà, à cette époque, le monde savant était extrêmement intéressé par les travaux du professeur Stangerson et de sa fille. Ces travaux, des premiers qui furent tentés sur la radiographie, devaient conduire plus tard M. et Mme Curie à la découverte du radium. On était, du reste, dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Stangerson allait lire à l'Académie des sciences sur sa nouvelle théorie, la dissociation de la matière. Théorie destinée à ébranler sur sa base toute la science officielle qui repose depuis si longtemps sur le principe « rien ne se perd, rien ne se crée ». Le lendemain, les journaux du matin étaient pleins de ce drame. Le Matin, entre autres, publiait l'article suivant intitulé « Un crime surnaturel ». Voici les seuls détails, écrit le rédacteur anonyme du Matin, que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du Glandier. L'état de désespoir dans lequel se trouve le professeur Stangerson, l'impossibilité où l'on est de recueillir un renseignement quelconque de la bouche de la victime, ont rendu nos investigations et celles de la justice tellement difficiles qu'on ne saurait, à cette heure, se faire la moindre idée de ce qui s'est passé dans la chambre jaune où l'on a trouvé Mademoiselle Stangerson, en toilette de nuit, râlant sur le plancher. Nous avons pu, du moins, interviewer le père Jacques, comme on l'appelle dans le pays, un vieux serviteur de la famille Stangerson. Le père Jacques est entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur. Cette chambre est attenante au laboratoire. Laboratoire et chambre jaune se trouvent dans un pavillon, au fond du parc, à 300 mètres environ du château. « Il était minuit et demi, » nous a raconté ce brave homme. « Et je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore M. Stangerson quand l'affaire est arrivée. J'avais rangé, nettoyé des instruments toute la soirée et j'attendais le départ de M. Stangerson pour aller me coucher. » Mademoiselle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit. Les 12 coups de minuit sonnés au coco du laboratoire, elle s'était levée, avait embrassé M. Stangerson, lui souhaitant une bonne nuit. Elle m'avait dit « Bonsoir, père Jacques. » Et avait poussé la porte de la chambre jaune. Nous l'avions entendu qui fermait la porte à clé et poussait le verrou, si bien que je n'avais pu m'empêcher d'en rire, et que j'avais dit à monsieur « Voilà mademoiselle qui s'enferme à double tour. Bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu. » Monsieur ne m'avait même pas entendu tant il était absorbé. Mais un miaulement abominable me répondit au dehors et j'ai reconnu justement le cri de la bête du bon Dieu. Que ça vous en donnait le frisson. Est-ce qu'elle va encore nous empêcher de dormir cette nuit? Pensais-je. Car il faut que je vous dise, monsieur, que jusqu'à fin octobre. J'habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la chambre jaune. À seule fin que mademoiselle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc. C'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon. Elle le trouve sans doute plus gai que le château. Et depuis 4 ans qu'il est construit, elle ne manque jamais de s'y installer dès le printemps. Quand revient l'hiver, mademoiselle retourne au château, car dans la chambre jaune, il n'y a pas de cheminée. Nous étions donc restés, M. Stangerson et moi, dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit. Il était, lui, à son bureau. Quant à moi, assis sur une chaise, ayant terminé ma besogne, je le regardais et je me disais, « Quel homme! Quelle intelligence! Quel savoir! » J'attache de l'importance à ceci que nous ne faisions aucun bruit, car, à cause de cela, l'assassin a cru certainement que nous étions partis. Et tout à coup, pendant que le coucou faisait entendre la demi-passée minuit, une clameur désespérée partit de la chambre jaune. C'était la voix de mademoiselle qui criait « À l'assassin! À l'assassin! Au secours !» Aussitôt, des coups de revolver retentirent. Il y eut un grand bruit de table, de meubles renversés, jetés par terre, comme au cours d'une lutte. Et encore, la voix de mademoiselle qui criait « À l'assassin! Au secours! Papa! Papa! » Vous pensez si nous avons bondi et si M. Stangerson et moi nous nous sommes rués vers la porte. Mais, hélas, elle était fermée et bien fermée à l'intérieur par les soins de mademoiselle, comme je vous l'ai dit, à clé et au verrou. Nous essayâmes de l'ébranler, mais elle était solide. M. Stangerson était comme fou. Et vraiment, il y avait de quoi le devenir, car on entendait mademoiselle qui râlait « Au secours! Au secours! » Et M. Stangerson frappait des coups terribles contre la porte. Il pleurait de rage. Il sanglotait de désespoir et d'impuissance. C'est alors que j'ai eu une inspiration. L'assassin se sera introduit par la fenêtre, m'écriai-je. Je vais à la fenêtre. Et je suis sorti du pavillon, courant comme un insensé. Le malheur était que la fenêtre de la chambre jaune donne sur la campagne, de sorte que le mur du parc qui vient aboutir au pavillon m'empêchait de parvenir tout de suite à cette fenêtre. Pour y arriver, il fallait d'abord sortir du parc. Je courus du côté de la grille et, en route, je rencontrai Bernier et sa femme, les concierges, qui venaient, attirés par les détonations et par nos cris. Je les mis en deux mots au courant de la situation. Je dis au concierge d'aller rejoindre tout de suite M. Stangerson et j'ordonnai à sa femme de venir avec moi pour m'ouvrir la grille du parc. 5 minutes plus tard, nous étions, la concierge et moi, devant la fenêtre de la chambre jaune. Il faisait un beau clair de lune et je vis bien qu'on n'avait pas touché à la fenêtre. Non seulement les barreaux étaient intacts, mais encore les volets derrière les barreaux étaient fermés, comme je les avais fermés moi-même la veille au soir, comme tous les soirs. Bien que mademoiselle, qui me savait très fatiguée et surchargée de besogne, me dit de ne pas me déranger, qu'elle les fermerait elle-même. Ils étaient restés tels quels, assujettis, comme j'en avais pris le soin, par un loquet de fer, à l'intérieur. L'assassin n'avait donc pas passé par là, et ne pouvait se sauver par là. Mais moi non plus, je ne pouvais entrer par là. C'était le malheur. On aurait perdu la tête à moins. La porte de la chambre fermée à clé à l'intérieur, les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi, à l'intérieur, et par-dessus les volets, les barreaux intacts, les barreaux à travers lesquels vous n'auriez pas passé le bras. Et mademoiselle qui appelait au secours. Ou plutôt non, on ne l'entendait plus. Elle était peut-être morte. Mais j'entendais encore, au fond du pavillon, monsieur qui essayait d'ébranler la porte. Nous avons repris notre course, la concierge et moi, et nous sommes revenus au pavillon. La porte tenait toujours, malgré les coups furieux de M. Stangerson et de Bernier. Enfin, elle céda sous nos efforts enragés, et alors, qu'est-ce que nous avons vu? Il faut vous dire que, derrière nous, la concierge tenait la lampe du laboratoire, une lampe puissante qui illuminait toute la chambre. Il faut vous dire encore, monsieur, que la chambre jaune est toute petite. Mademoiselle l'avait meublée d'un lit en fer assez large, d'une petite table, d'une table de nuit, d'une toilette et de deux chaises. Aussi, à la clarté de la grande lampe que tenait la concierge, nous avons tout vu du premier coup d'œil. Mademoiselle, dans sa chemise de nuit, était par terre, au milieu d'un désordre incroyable. Tables et chaises avaient été renversées, montrant qu'il y avait eu là une sérieuse batterie. On avait certainement arraché mademoiselle de son lit. Elle était pleine de sang, avec des marques d'ongles terribles au cou. La chair du cou avait été quasi arrachée par les ongles. Et un trou à la tempe droite, par lequel coulait un filet de sang qui avait fait une petite mare sur le plancher. Quand M. Stangerson aperçut sa fille dans un pareil état, il se précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que se faisait pitié à entendre. Il constata que la malheureuse respirait encore. Il ne s'occupa que d'elle. Quant à nous, nous cherchions l'assassin, le misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse. Et je vous jure, monsieur, que si nous l'avions trouvé, nous lui aurions fait un mauvais parti. Mais comment expliquer qu'il n'était pas là, qu'il s'était déjà enfui? Cela dépasse toute imagination. Personne sur le lit, personne derrière les meubles, personne. Nous n'avons retrouvé que ses traces. Les marques ensanglantées d'une large main d'homme sur les murs et sur la porte. Un grand mouchoir rouge de sang, sans aucune initiale. Un vieux béret et la marque fraîche sur le plancher. De nombreux pas d'hommes. L'homme qui avait marché là avait un grand pied. Et les semelles laissaient derrière elles une espèce de suie noirâtre. Par où cet homme était-il passé? Par où s'était-il évanoui? N'oubliez pas, monsieur, qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. Il ne pouvait s'être échappé par la porte qui est très étroite et sur le seuil de laquelle la concierge était entrée avec sa lampe, tandis que le concierge et moi nous cherchions l'assassin dans ce petit carré de chambre où il est impossible de se cacher et où, du reste, nous ne trouvions personne. La porte défoncée et rabattue sur le mur ne pouvait rien dissimuler. et nous nous en sommes assurés. Par la fenêtre restée fermée avec ses volets clos et ses barreaux auxquels on n'avait pas touché, aucune fuite n'avait été possible. Alors, je commençais à croire au diable. Mais voilà que nous avons découvert par terre mon revolver. Oui, mon propre revolver. Ça m'a ramené au sentiment de la réalité. Le diable n'aurait pas eu besoin de me voler mon revolver pour tuer mademoiselle. L'homme qui avait passé là était d'abord monté dans mon grenier, m'avait pris mon revolver de mon tiroir et s'en était servi pour ses mauvais desseins. C'est alors que nous avons constaté, en examinant les cartouches, que l'assassin avait tiré 2 coups de revolver. Tout de même, monsieur, j'ai eu de la veine. Dans un pareil malheur, que M. Stangerson se soit trouvé là, dans son laboratoire, quand l'affaire est arrivée et qu'il ait constaté de ses propres yeux, que je m'y trouvais moi aussi, car avec cette histoire de revolver, je ne sais pas où nous serions allés. Pour moi, je serais déjà sous les verrous. Il n'en faut pas davantage à la justice pour faire monter un homme sur l'échafaud. Le rédacteur du Matin fait suivre cette interview des lignes suivantes. Nous avons laissé, sans l'interrompre, le père Jacques nous raconter grossièrement ce qu'il sait du crime de la chambre jaune. Nous avons reproduit les termes mêmes dont il s'est servi. Nous avons fait seulement grâce au lecteur des lamentations continuelles dont il émaillait sa narration. C'est entendu, père Jacques, c'est entendu, vous aimez bien vos maîtres. Vous avez besoin qu'on le sache, et vous ne cessez de le répéter, surtout depuis la découverte du revolver. C'est votre droit, et nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous aurions voulu poser bien des questions encore au père Jacques, Jacques-Louis Moustier, mais on est venu justement le chercher de la part du juge d'instruction, qui poursuivait son enquête dans la grande salle du château. Il nous a été impossible de pénétrer au glandier, et, quant à la chenet, elle est gardée, dans un large cercle, par quelques policiers qui veillent jalousement sur toutes les traces qui peuvent conduire au pavillon et peut-être à la découverte de l'assassin. Nous aurions voulu également interroger les concierges, mais ils sont invisibles. Enfin, nous avons attendu dans une auberge, non loin de la grille du château, la sortie de M. de Marquet, le juge d'instruction de Corbeil. À 5h30, nous l'avons aperçu avec son greffier. Avant qu'il ne montât en voiture, nous avons pu lui poser la question suivante. « Pouvez-vous, monsieur de Marquet, nous donner quelques renseignements sur cette affaire, sans que cela gêne votre instruction ?»« Il nous est impossible, » nous répondit monsieur de Marquet, « de dire quoi que ce soit. Du reste, c'est bien l'affaire la plus étrange que je connaisse. Plus nous croyons savoir quelque chose, plus nous ne savons rien. » Nous demandâmes à M. de Marquet de bien vouloir nous expliquer ses dernières paroles. Et voici ce qu'il nous dit, dont l'importance n'échappera à personne. « Si rien ne vient s'ajouter aux constatations matérielles faites aujourd'hui par le parquet, je crains bien que le mystère qui entoure l'abominable attentat dont Mademoiselle Stangerson a été victime, ne soit pas prêt de s'éclaircir. Mais il faut espérer, pour la raison humaine, que les sondages des murs, du plafond et du plancher de la chambre jaune, sondages auxquels je vais me livrer dès demain, avec l'entrepreneur qui a construit le pavillon il y a 4 ans, nous apporterons la preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la logique des choses. Car le problème est là. Nous savons par où l'assassin s'est introduit. Il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant Mademoiselle Stangerson. Mais par où est-il sorti? Comment a-t-il pu s'enfuir? Si l'on ne trouve ni trappe, ni porte secrète, ni réduit, ni ouverture d'aucune sorte, si l'examen des murs et même leur démolition, car je suis décidé, et M. Stangerson est décidé à aller jusqu'à la démolition du pavillon, ne viennent révéler aucun passage praticable, non seulement pour un être humain, mais encore pour un être quel qu'il soit, si le plafond n'a pas de trou, si le plancher ne cache pas de souterrain, il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. Et le rédacteur anonyme fait remarquer dans cet article, article que j'ai choisi comme étant le plus intéressant de tous ceux qui furent publiés ce jour-là sur la même affaire, que le juge d'instruction semblait mettre une certaine intention dans cette dernière phrase. Il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. L'article se termine sur ces lignes. Nous avons voulu savoir ce que le père Jacques entendait par le cri de la bête du bon Dieu. On appelle ainsi le cri particulièrement sinistre, nous expliquait le propriétaire de l'auberge du donjon, que pousse quelquefois la nuit le chat d'une vieille femme, la mère à genoux, comme on l'appelle dans le pays. La mère à genoux est une sorte de sainte qui habite une cabane au cœur de la forêt, non loin de la grotte de Sainte-Geneviève. La chambre jaune, la bête du bon Dieu, la mère à genoux, le diable, Sainte-Geneviève, le père Jacques, voilà un crime bien embrouillé qu'un coup de pioche dans les murs nous débrouillera demain. Espérons-le, du moins, pour la raison humaine, comme dit le juge d'instruction. En attendant, on croit que Mademoiselle Stangerson, qui n'a cessé de délirer, qui ne prononce distinctement que ce mot « assassin, assassin, assassin », ne passera pas la nuit. Enfin, en dernière heure, le même journal annonçait que le chef de la sûreté avait télégraphié au fameux inspecteur Frédéric Larsan, qui avait été envoyé à Londres pour une affaire de titre volé, de revenir immédiatement à Paris.